Ce 10e épisode du Grimoire de Merlin, enfin, le voici, vous étiez nombreux à l'attendre. Car c'est vrai, en ce moment je suis très occupé, je potasse mes formules, je peaufine énormément mes potions. Et oui mes petits gars, il faut se préparer en ce moment. Il y a encore beaucoup de nègres qui débarquent dans nos contrées. Beaucoup de juifs conspirent, hein, vous l'avez remarqué en ce moment. Les Youpins sont pour ainsi dire complètement en transe même. Ils boivent de plus en plus de sang, ça c'est une chose qui est certaine, et ils s'en vendent quasiment en plein jour, hein, au beau milieu des boomers, des PD, des Gwyn, la République, la cabale, la juiverie démocratique. Eh bien, j'aimerais... Putain, mais ça m'emmerde ! Excusez-moi ! Putain ! Bordel ! Oui, c'est pourquoi ? Bonjour là, Casaboula, Merlin ! Vous êtes Merlin, hein? Ouais, c'est moi, c'est le macaque. Et alors, qu'est-ce qu'il y a? Ah! Vous êtes raciste, hein? Vous, avec votre émission, là! Vous êtes des tous des racistes! Espèce de sale nègre! Demi-tour! Demi-tour, tu dégages le nègre! Tu dégages le nègre! Ah! Vraiment, là! Vous allez mourir! Vous allez même mourir! Ta gueule, ta gueule! Ah, vous, monsieur, là, vous devez vous excuser, là! Tous, tous, vous les insultes, là! La colonisation! Nous, là, nous, les noirs, on va vous taper! On va vous chicoter! Espèce de bande de blancs, là! Vous êtes des sales blancs! Désolé, j'étais sûr que mon Uber viendrait me casser les couilles. Qui va m'apporter mes têtes de nègre maintenant? Et voilà, comment on fait? Bon, alors je sors mon grimoire, hein, pour une petite leçon supplémentaire, hein, et je voulais vous faire un petit best-of, hein, pour ce 10e numéro, hein, un petit best-of sur la juiverie et son rapport à différents niveaux. Avec la société des goïms, hein, dans lequel il aime se pavaner, s'infiltrer. Alors, ici, nous avons Léon Blum, qui est une grande figure du socialisme, hein, en France, et qui a même présidé le gouvernement, hein, pendant une petite période, entre 46 et 47. Hein, alors voilà ce qu'il décrit dans son livre appelé « Du mariage », sorti chez Albin Michel en 1937. Ouvrez vos oreilles, hein, il s'agit d'inceste, hein, c'est-à-dire la relation sexuelle avec des membres de sa famille. Hein, baiser avec ses enfants, un garçon qui baise avec sa mère, etc., etc. C'est une spécialité juive, attention. Hein, attention les goyes, attention. Parce qu'on se laisse poser la question dans nos sociétés européennes. Oui, l'inceste... Non, non. L'inceste n'est pas une question européenne. C'est une question qui ne concerne que les familles de juifs. Bon. Alors, Léon Blum, qu'est-ce qu'il nous dit, Léon Blum? Eh bien, Léon Blum, il nous dit... Je n'ai jamais discerné ce que l'inceste a de proprement repoussant. Et sans rechercher pour quelle raison l'inceste, toléré ou prescrit dans certaines sociétés, est tenu pour un crime dans la nôtre. Je note simplement qu'il est naturel et fréquent d'aimer d'amour son frère ou sa sœur. Mais, si cela est naturel, je conviens que ce n'est point nécessaire. Bon, bah ça va, on est rassuré. Je suis pas obligé de baiser avec ma grand-mère. Et ma sœur, qui est bonne, attendra un peu. Et je pense que l'Algérie est également rassurée. Hein ? Petit côté inceste entre ces mythes comme ça, là, les juifs, les Algériens, il y a un truc. Bien, et nous avons un autre juif, alors là ça concerne le mariage. Hein, le mariage entre un homme, une femme, comme ça, dans toutes les sociétés traditionnelles, le mariage. Bon, bah là on a un juif qui nous explique le mariage. Donc on attendait les juifs pour savoir ce qu'il en était, après des millénaires. Alors, Alfred Naquet, donc lui il est responsable de la loi du divorce, la légalisation du divorce. Hein. Il faut savoir également que c'est un juif... qui a légalisé la contraception, et c'est une autre juive, qu'on connaît tous très bien, qui a légalisé l'avortement. Donc là, on a le triptyque gagnant. Donc merci à ces juifs d'avoir pris soin du socle familial français, et donc d'avoir jeté les bases du féminisme péripatético-abortif, hein, et surtout de la dénatalité de masse, hein, en France, qu'on connaît. Et donc voilà, donc Alfred Naquet, lui nous raconte à travers son livre intitulé « Religion, propriété, famille » datant de 1882. Le mariage est une institution essentiellement tyrannique et attentatoire à la liberté de l'homme, la cause de la dégénérescence de l'espèce humaine. C'est une institution génératrice de vices, de misère et de mal. Il faut lui préférer le concubinage ou l'union libre, sans intervention de l'autorité, sans consécration religieuse et légale. Voilà, et donc ça a le mérite d'être clair. Hein. Et sinon, nous avons un autre juif. Alors, un petit dernier pour la route. Alors, il s'agit de Edmond de Rothschild. Donc, le fondateur et président du groupe Rothschild, que tout le monde connaît. Hein. Donc, la fameuse banque juive. Et donc, Rothschild nous raconte, dans Entreprise Magazine, le 18 juillet 1970, « Le verrou qui doit sauter, c'est la nation, parce qu'elle est inadaptée au monde moderne. » Et voilà, la nation doit mourir. Les nations doivent mourir. Mais qu'entend-on par nation ? Bah, on entend les peuples. Comment reconnaît-on un peuple ? Par son ethnie, sa race et sa culture. Évidemment, sa cohésion entre individus. Et donc l'immigration de masse, là-dedans, c'est un outil des juifs, des banques, du capitalisme, et non pas du socialisme. C'est un outil du mondialisme. Et le mondialisme, c'est le capitalisme vu par les juifs. Ça rejoint le messianisme, tout simplement. Car il s'agit du monde entier qu'il faut transformer. Et ça passe inévitablement par la domination de l'Occident, des dômes, de la chrétienté, du monde blanc en général. Et en fait, l'aboutissement de tout ça, pour le juif, c'est, pour simplifier, je m'en mets plein les poches, et ta mère, ta femme et ta fille se feront baiser par des nègres. Voilà. Tout en me faisant des thunes. Voilà. L'Occident, blackhead, avec le juif qui est en poche derrière, derrière la caméra. Et donc voilà, Goy, voici la leçon du jour. La messe est dite. Je te laisse méditer là-dessus. Je vous laisse méditer là-dessus. Tous ensemble. Unis. Dans le racisme et l'antisémitisme. Car vous allez en avoir fortement besoin. Je pense que vous n'aurez même pas le choix de toute façon. Donc sur ce, radicalisez-vous. C'était Merlin au pays des babouins. Digue, digue, digue, digue. Ah, ah, ah, c'est, ah.